J'ai essayé de me défiler à plusieurs reprises, mais finalement, les demandes étant de plus en plus pressantes, et il faut le dire aussi de plus en plus sympa, quoi. Il y a ça qui m'a beaucoup décidé aussi. A priori, ça fait, je suis chrétien depuis 10 ans maintenant, ça fait l'automne 79 à maintenant, ça fait une dizaine d'années, et c'est la première fois que je tente l'expérience de parler devant un groupe de copains de cette histoire de christianisme et anarchisme. A priori, je le sais d'autant mieux que j'ai milité pendant des années dans le mouvement, a priori, ça ne tombe, tombe pas sous le sens. Christianisme et anarchisme, pour moi, c'était un peu comme glace chaude et feu froid, pour reprendre la formule de Boline, c'est-à-dire c'était des éléments qui étaient absolument antagonistes, même pas contradictoires, antagonistes. Alors, le sujet est difficile. Est difficile pour plusieurs raisons. Et j'ai essayé d'en mettre quelques-unes. La première, bon, tient à l'objet du CIRA. Vous savez comme moi que le CIRA a pour rôle, j'allais dire pour mission, un terme exagéré, pour rôle de sauvegarder un peu la mémoire du mouvement, la mémoire du milieu aussi anarchiste. Comment placer un sujet comme ça dans le cadre du CIRA, c'était difficile. D'autant que je ne vais pas vous présenter la vie et l'œuvre d'un anarchiste chrétien. Il y en a eu quelques-uns, j'y reviendrai. Bon, je ne me suis jamais intéressé à la vie de ces gens-là, sauf ces derniers jours où j'ai quand même un peu fouillé dans ma bibliothèque pour essayer de voir s'il y avait quelques originaux comme moi. J'en ai trouvé quelques-uns, mais enfin, j'en sais guère plus long que vous, peut-être beaucoup moins. Alors, il ne restait plus qu'à faire ce qu'avait fait Clotaire il y a quelque temps, c'est-à-dire l'histoire d'un itinéraire. C'est-à-dire, comme vous le savez, je me prétends anarchiste, savoir si je le suis, ça... Enfin, je pense que je le suis. Et, raconter en quelque sorte ma vie, mon cheminement intellectuel et tout, ça aurait été, quand on arrive à l'âge de Clotaire, qu'on le fasse d'accord. À mon âge, c'est quand même, je pense, un peu prématuré. Mais d'autant plus que, et là, je crois que c'est important, dire ce que l'on a fait, c'est quelque chose qui est relativement facile. Dire ce que l'on croit, c'est beaucoup plus difficile. Troisième difficulté, c'est que le vocabulaire que je vais utiliser est piégé. C'est un vocabulaire qui est éculé. Il y a des mots qui ont été mis à toutes les sauces, qu'on a utilisés n'importe quand, n'importe où. Et donc, je suis bien obligé d'utiliser ces mots-là. Mais les définitions que je donne à ces mots ne sont peut-être pas celles que vous donnez, vous. J'en ai noté quelques-uns. Quand je dis croyant, foi, fidèle, le péché, la grâce, la repentance, sauveur ou être sauvé, qu'est-ce que ça signifie? A priori, moi je me souviens quand j'étais en art, tout ça c'était de la langue de bois de curé qui rime pas grand-chose. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça doit être pareil. De même que pour les mots qui sont dérivés. Là j'ai pris des mots qu'on peut trouver dans la Bible. Des mots dérivés qui touchent à la religion. La religion, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle définition peut-on donner au mot religion, au mot dévotion, au mot église? Qu'est-ce que l'église? Je ne parle pas du bâtiment, bien sûr, l'église avec un majuscule. Qu'est-ce qu'une conversion? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une conversion, Tout ça, ce sont des mots qui sont autant de pièges. Et le dernier que j'ai gardé pour la bonne bouche, c'est le mot Dieu. Chacun s'est donné une définition de Dieu. Pendant très longtemps, moi, quand j'étais gamin, c'était un abominable vieillard assis sur un nuage qui régentait le monde, qui disait, bon, eux, ils sont bien, ils sont pas bien, et puis qui nous attendait à la sortie du virage, c'est-à-dire le jour de notre mort ou quelque temps après, pour nous envoyer à la poubelle ou nous sélectionner, voilà. Alors, c'est un peu l'image aussi que, schématiquement, beaucoup de monde a de Dieu. Autre difficulté aussi, c'est le manque d'éléments que vous pouvez avoir. Je commence à me faire des amis. Je m'explique. J'ai fréquenté donc pas mal les milieux chrétiens. Pour eux, les anarchistes, c'est un semeur de bordel, quelqu'un qui rouspète tout le temps, à la limite qui pose des bombes, et puis après c'est tout. Bon. Ils ont la vue que finalement tout le monde a de l'anarchisme et des anarchistes, et puis ça s'arrête là. Mais allons de l'autre côté. Pour un anarchiste, qu'est-ce qu'un chrétien ? Bien souvent, c'est quelqu'un, un imbécile, qui a toujours un sourire nid aux lèvres, qui se contente de dire Jésus, Jésus. Vous en avez eu un bel exemple hier soir à la télévision, apostrophe, avec Monseigneur Gaillot, qui pourtant est beaucoup plus sympathique que les autres, hein, mais alors qui avait toujours un sourire niais, aux questions qu'on lui posait, bon, ben, il répondait par des silences lourds, sous-entendus, que lui seul comprenait, et puis c'était Jésus, Jésus, Jésus. J'avoue que moi je suis un peu gêné par tout ça. Alors évidemment, quand aux anarches je parle d'un chrétien, il leur manque des éléments. Inversement, quand je parle à un chrétien des anarchistes, il manque aussi des éléments. C'est une difficulté supplémentaire. Il y a aussi le choix du titre. On m'a demandé, bon, alors tu as parlé sur anarchisme et christianisme. Bon, on aurait pu mettre anarchisme ou christianisme aussi. Il n'est pas évident que ça aille de pair. Ou alors, moi j'aurais peut-être mis christianisme donc anarchisme. Hein? Le titre lui-même sous-entend un certain nombre de choses. Enfin, je ne reviens pas sur l'incongruité du couple anarchiste-chrétien, d'autant plus que pendant je me souviens avoir bombé à plusieurs reprises sur les murs, ni Dieu ni Maître, c'était mon slogan favori. Ça le reste toujours dans la mesure où, pour moi, Dieu correspondait à un certain nombre de choses à l'époque, qui sont toujours les mêmes, et pour lesquelles j'ai toujours autant d'hostilité. Alors évidemment, le prétexte de cette rencontre, ça a été le bouquin qui est sorti là, il y a quelque temps, de Jacques Ellul, qui s'intitule « Anarchie et christianisme ». On a repris approximativement le même titre. Et ce bonhomme, Ellul, moi je l'ai rencontré en septembre 81 dans un article du Monde qui était intitulé « Avec Dieu, sans maître ». Alors, et il y avait tout un entretien où il expliquait. Alors bon, j'avais lu et ça m'avait pas mal plu. Et depuis, j'ai essayé d'en savoir un peu plus long sur Jacques Ellul. J'ai lu un certain nombre de bouquins, là, je vous les montrerai tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais enfin, je suis quand même content de voir que je ne suis pas le seul à penser ce que je pense. Il y a cette difficulté, c'est que les anarchistes sont des minoritaires. Et les minoritaires, bien souvent, ont quelques complexes d'être minoritaires et prennent l'éthique des majoritaires. Je le vois chez les protestants. Les protestants singent les catholiques. Dans ceux qu'ils ont de plus con d'ailleurs. De même, les anarchistes, ça je me souviens du temps où j'ai milité, font une sorte de petit complexe face aux marxistes, qui eux ont des organisations, font sérieux tout ça, et donc par conséquent, les anarchistes singent un peu les marxistes, c'est la plus grande tentation, et comme les marxistes ne sont pas réputés pour leur ouverture d'esprit, certains anarchistes, suivant le même modèle, eux aussi ferment un peu leur intelligence et ça leur évite de comprendre un certain nombre de choses. Alors, vous attendez sans doute peut-être que j'apporte des réponses à des questions que vous vous posez. Un des principaux enseignements, ou comment dire, une des principales missions, là on peut utiliser le mot, qui est donnée par Jésus aux chrétiens, c'est aller et évangéliser. Bon. Alors moi, je dois vous dire que sur ce plan-là, je suis très peu chrétien. Je n'aime pas évangéliser, je n'aime pas parler de la Bible. Les gens que je côtoie quotidiennement pourront vous le dire. Je ne suis pas emmerdant. Les catéchismes me font horreur, et donc, puisqu'ils me font horreur, je ne vais pas moi-même être expansionniste sur le plan des idées à ce point. Et puis, comme je reste quand même, soyons francs, je reste disponible Si un jour un copain, je dis bien un copain ou une copine évidemment, a envie de parler avec moi de ce sujet, évidemment je suis disponible dans la mesure où je peux répondre, je réponds. Mais le reste du temps, je reprendrai la parole qui m'avait fait, qui est assez marrante, d'un pasteur qui avait dit « on ne donne pas à boire à l'âne qui n'a pas soif ». Et effectivement, bon, je ne vois pas pourquoi j'irais apporter la bonne parole à des gens qui s'en fichent, qui demandent pas. Alors évidemment, le mot âne, j'aurais pu prendre on peut dire au lion qui n'a pas soif. Voilà. C'était peut-être un peu. Bon, d'autre part, je n'ai pas de leçon à donner non plus en tant que chrétien. Vous savez qu'il y a la fameuse expression qui vient de la Bible, justement, de la foi qui soulève la montagne. Jésus dit, si vous aviez une foi grande comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici, viens de mettre là, et je le ferai. Bon, moi, ma foi, j'arrive même pas à soulever ma paire de lunettes ou n'importe quel objet que vous pourriez me désigner, si léger fut-il. J'ai une foi qui est chancelante. J'ai pas une foi en acier blindé. J'ai une foi qui est empreinte de doute. Je ne me montre pas un exemple. Donc, je ne peux pas apporter des réponses aux autres. Moi-même, je trouve les miennes, mais je suis en perpétuel cheminement. Je n'ai pas, ça y est, je ne suis pas arrivé avec tout un tas d'idées. Voilà, je suis chrétien, ouais, bah, je vous enseigne. Non, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Et vous avez certainement des choses à m'apporter, comme moi, peut-être j'en ai aussi. Quoi qu'il en soit, je le disais tout à l'heure dans une petite discussion, il faut reconnaître honnêtement que l'idée de Dieu est une idée, une question qui nous a tous turlupinés à un moment ou à un autre, ou maintenant, ou plus tard. Mais je crois que dans le courant de sa vie, on ne peut pas faire l'économie de se poser un certain nombre de questions au sujet de Dieu. Et bon, ces questions, c'est pas à moi à y répondre. C'est à chacun, enfin, c'est celui qui se pose la question qui a à apporter sa propre réponse. Moi, je suis là pour dire un certain nombre de choses, si ça peut servir, tant mieux, mais je n'ai aucune prétention sur ce plan-là. Je crois qu'il faut se mettre dans une situation de recherche perpétuelle. Et là, j'aime bien la phrase de Saint-Augustin qui disait « Cherchons comme cherchent ceux qui doivent trouver, et trouvons comme trouvent ceux qui doivent chercher encore. » Je crois que cette phrase veut bien dire qu'on ne doit jamais se considérer comme étant arrivé à un but, qu'on ne doit jamais se considérer comme étant bardé de connaissances et qu'on est prêt à évangéliser les autres. Certainement pas. D'ailleurs, les gens qui, bien souvent, et sans doute vous avez fait la même remarque que moi, les gens qui semblent le plus sûr d'eux sont en général les gens les plus cons. Parce qu'on a beau leur dire tout ce qu'on veut, ça ne passe pas. Alors, je ne voudrais pas apparaître comme tel à vos yeux. Alors, bien sûr, la voie que moi j'ai suivie ne sera, je peux vous le dire dès maintenant, certainement pas celle d'un autre, de vous ou de quelqu'un d'autre. C'est ma voie à moi, bon, qui vaut ce qu'il vaut, qui m'a servi à moi, et puis c'est tout. Alors, je vous parlais de conversion tout à l'heure, oui. J'ai dit que c'était à l'automne 79, il y a une dizaine d'années. C'est une expérience qui a été très forte, qui est pour moi irremplaçable. Bon, qui est difficilement. Que je peux difficilement décrire et qui finalement ça n'a pas trop d'intérêt parce que si je vous dis, bon, j'ai pensé ci, j'ai pensé là, il y a un tas de livres là dans les bibliothèques pieuses qui racontent des conversions, etc. C'est emmerdant, je veux dire, c'est sa vie, c'est pas la nôtre. Et puis en même temps, bon, le héros de l'histoire, c'est celui qui se convertit. Or, en fait, c'est pas du tout ça. Le héros, c'est Dieu qui m'a fait la grâce de la foi. Alors là, je reviendrai un peu sur tout ça. Je vous demande d'accepter ces mots, a priori, et puis je reviendrai après. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous voulez, je vous donne l'image qui a été l'image que j'en ai retenue, qui est la plus forte. Ma vie ressemblait à une sorte de puzzle démontée, où il y avait des choses auxquelles je tenais, mais qui apparemment n'avaient pas de lien les unes aux autres. Et en cet automne 79, toutes ces pièces se sont rassemblées et ça a pris un ensemble cohérent. J'ai vu enfin quelque chose. Alors c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, c'est l'image que moi-même j'ai eue. pratiquement. Et donc, je vous la livre en tant que telle, pour essayer d'expliquer ce que peut être une conversion. Alors, ma sensibilité anarchiste, je l'ai toujours. Et ma sensibilité anarchiste exige que je respecte à la fois vos opinions, vos consciences, ce que vous êtes vous. Je n'ai pas à vous juger, je n'ai pas à dire celui-là, bon, c'est ceci ou cela. Moi, je me suis aperçu dans ce milieu anarchiste que des copains savaient parfaitement que j'étais chrétien, que j'étais devenu chrétien. Ah, évidemment, alors ils m'ont charrié, ils m'ont posé des questions, ils ont cherché à m'emmerder sur ce plan-là. Bon, mais gentiment, toujours gentiment, et ce sont toujours restés des amis pour moi. Je pense à un copain qui vit dans le Luberon, Jean-Paul Thévenet, qui devait toujours venir ici et finalement n'est jamais venu. Je pense aussi à Denis, qui sait depuis toujours que je suis chrétien et qui me supporte en tant que tel et qui comme anarchiste accepte que je sois chrétien. Et d'autre part, ma sensibilité anarchiste aussi veut que puise ses racines dans l'individualisme. C'est chacun, ce que je vous disais tout à l'heure, chacun qui doit élaborer sa propre unicité, son propre moi. Je veux dire, mais ce que je peux vous dire, ça peut être du carburant que je vous fournis, si ça marche pour votre moteur, mais c'est à vous, et vous le savez parfaitement, c'est à vous de vous forger votre propre moi, hein, votre propre personne. Bon, alors, après ce préambule qui a été peut-être un peu long, alors vous me connaissez, je suis à pleurs, je vais essayer de me limiter pour ne pas me gonfler. Là, c'est un préambule pour essayer de dégager à la fois les difficultés et puis le fait que je ne vous apporterai pas beaucoup de choses, finalement. Alors, je vous parlerai d'abord de mon itinéraire, puisque j'en parlais. Bon, autant vite l'expédier, parce qu'il ne présente pas trop d'intérêt, j'ai rien de particulier. Ma famille maternelle est une famille d'origine italienne. Ce sont des Italiens de Florence qui sont venus s'installer à la Capucelle à la fin du siècle dernier, et qui ont toujours vécu à la Capucelle. Il y a toujours ma grand-mère, c'est là-bas que je passais mes vacances, c'est là-bas que je suis né pratiquement et que j'ai grandi. Ma famille paternelle, eux, ce sont des Français au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Enfin, c'est une famille qui est arrivée en Provence à la fin du Moyen-Âge. Eux, alors, c'était véritablement pas des prolétaires, parce qu'ils vivaient en milieu rural. C'était vraiment ce qu'on appelle des peignes-culs, dans notre langage imagé de Provence. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père, ma grand-mère me le disait dimanche dernier, cassait des pierres au bord des routes pour pouvoir nourrir sa famille, et il n'y arrivait pas. Bon, mon grand-père était un petit employé qui gardait le bassin de Réaltor, et quant à mon père, il a fini péniblement sa carrière comme agent de maîtrise, et moi je suis instituteur, c'est dire si l'ascension sociale a été fulgurante. Bon, sur le plan politique, ma formation quand j'étais petit, c'était essentiellement mon père qui avait des sympathies pour les communistes. Il n'a jamais adhéré au parti. Il a été embringué par des copains qui avaient une personnalité peut-être un peu plus expansive que la sienne dans le mouvement syndical dans les années 50, à la CGT. Ça lui a valu d'ailleurs toutes sortes d'emmerdements. Mais ça m'a valu à moi d'aller visiter, de franchir le rideau de fer en 1963, c'est-à-dire la première année où les pays de l'Est ont finalement consenti à ouvrir aux touristes occidentaux le rideau de fer. On était allé en Tchécoslovaquie et j'avais 8 ans. Et ça a été pour moi ma première expérience politique très forte. J'ai vu ce qu'était le communisme en application. Et depuis mes 8 ans, j'avoue vouer une haine tenace au communisme. Parce que j'ai vu ce que ça donnait. Et ça, le communisme, c'est quelque chose que j'arrive... Le communisme au sens soviétique, hein, pas au sens propre du terme. C'est quelque chose que je ne tolère pas. Moi, sur le plan de mon éducation religieuse, parlons-en, puisque finalement, ça sera... Bon, qu'est-ce que mes parents étaient ce qu'on appelle des chrétiens sociologiques, c'est-à-dire, bon, on y va parce qu'on a toujours fait ça, hein, dans la famille, mon père s'en foutait un peu, ma mère, bon, évidemment, étant d'origine italienne, m'a obligé d'aller chez les curés, au catéchisme. J'allais à la messe le dimanche alors que mes parents n'y allaient pas, ce que je trouvais scandaleux. On a beau être petit, mais on a quand même un sens des réalités. Si c'est si important que ça, pourquoi ils n'y allaient pas? Pourquoi ils me filaient les sous pour la quête et j'y allais tout seul? Ça me gonflait au plus haut point, d'autant plus que le curé qui me faisait le catéchisme était véritablement un curé, c'est-à-dire quelqu'un qui approchait de celui qui faisait l'âme dans notre groupe avec un sourire, style Monseigneur Gaillot hier soir, et qui décochait une gifle à faire tomber de la chaise le gamin qui avait fait une connerie. Alors ça, j'ai voué une haine tenace au curé. Pour moi, tout ce qui était religion, curé, c'était quelque chose que je mettais au même niveau que le communisme. Alors, mes études, qu'est-ce que ça a été? Ça a été sur Aix, je suis allé au lycée minier, j'ai passé mon bac, j'ai traîné en fac un peu à Marseille, 2 ans en médecine, 1 an à Aix où j'ai rencontré d'autres étudiants de haut vol. Pendant que je faisais mon service militaire, j'ai présenté le concours École Normale que j'ai réussi, bon, à l'époque ça m'arrangeait bien, et c'est comme ça qu'aujourd'hui je me retrouve extrait. Bien, sur ma découverte de l'anarchie, comment je suis devenu anarchiste, en fait, un peu de mots aussi, si je suis trop long, vous me le dites, hein. Si je vous gonfle aussi, hein, je tire. Bon. Oui, alors ma découverte de l'anarchie s'est faite d'une manière un peu particulière. En 71, donc j'avais 15-16 ans, j'ai formé un groupe dans le lycée où j'étais, un groupe de copains qui avait pour ambition l'entraide. L'entraide et la coopération, et puis on était ensemble, etc. Ça a duré 5 ans, il y a eu au total plus d'une centaine de jeunes qui y sont passés, ça avait sorti des cadres du lycée, de la ville, du département, on avait même des antennes à l'étranger. Pour un petit groupe comme ça, c'était assez marrant. Les derniers avatars, c'était un groupe qu'on avait appelé Télém, du nom de l'abbaye, et que certains d'entre vous ont connu à cette époque-là. Alors, bien sûr, je n'avais aucun engagement politique, et par contre, ce groupe, comme j'en étais le principal animateur, me tenait beaucoup à cœur, et je faisais beaucoup de prosélytisme. Et auprès étant moi-même adolescent, auprès d'autres adolescents, quand on est adolescent, on n'a pas trop les idées bien ancrées, on n'a pas encore les strates bien formées dans sa cervelle, et il y avait beaucoup qui étaient réceptifs à ce que je leur disais. Et un jour, que j'expliquais notre façon de fonctionner, comment c'était organisé, celui auquel je m'adressais, qui avait un peu plus de culture politique que moi, me dit « Tu n'as rien inventé, ce que tu me décris là, c'est l'anarchie. » Alors, évidemment, pour moi, l'anarchie, c'était la panique, ce qui est le sens commun. Alors, j'ai lu le petit que sais-je de Henri Arvon sur l'anarchisme, qui n'était peut-être pas le meilleur pour savoir ce que c'était. Et puis, je me suis aperçu qu'effectivement, ce qu'on vivait, ce qu'on avait inventé dans notre laboratoire, dans notre groupe, là, c'était exactement ce qu'avaient dit les grands penseurs anarchistes, ce qu'avaient vécu déjà d'autres anarchistes. On n'avait pas inventé quelque chose de nouveau. Et comme ce groupe me tenait beaucoup à cœur, je n'ai eu aucune difficulté. Et au contraire, j'étais même bien content de devenir anarchiste parce qu'au lieu de me casser la tronche pour essayer de trouver des justificatifs idéologiques, je n'avais qu'à ouvrir des bouquins qui parlaient d'anarchie pour trouver là-dedans tout un tas de bonnes idées que je sentais, que j'avais senti bonnes intuitivement et que grâce à cette étude, grâce à ces lectures, j'arrivais à oraliser, à expliquer. Alors là, bon, j'ai commencé à militer, et puis après, bon, c'est devenu de plus en plus sérieux, à tel point que je suis rentré à la Fédération anarchiste, qui est la voie royale, j'allais dire. Enfin, c'est peut-être beaucoup dire. Hein. Et je suis resté donc au groupe Élysée Reclus à Aix. Hein. Jacques, qui est là, nous avait passé le drapeau de l'ancien groupe d'Aix qui s'appelait Élysée Reclus, c'est pour ça qu'on avait repris le même nom. Et curieusement, Élysée Reclus, j'y reviens tout à l'heure, était lui-même d'origine protestante, et on retrouve là une clin d'œil du destin. Enfin, quoi qu'il en soit, à cette époque-là, j'étais persuadé le soir en me couchant que le lendemain, il allait y avoir la révolution. Je crois que bon militant, bien couillon, reste persuadé de ça. Maintenant, je vous dirai ce que j'en pense à la fin de mon exposé. Quelle est ma définition de l'anarchie? Je ne vais pas vous gonfler à vous dire des choses que vous savez déjà. Je vous donnerai simplement deux éléments qui sont pour moi, je crois, les plus importants. Le premier, c'était celui que j'avais marqué sur ma besace. À l'époque, c'était à la mode de marquer des slogans sur ce truc pour bien... C'était la citation de Proudhon, et qui est pour moi un axe essentiel, toujours aujourd'hui, et qui le restera à jamais. C'est « Quiconque met la main sur moi pour gouverner est un usurpateur et un tyran, virgule, je le déclare mon ennemi. » Ça, c'est la première chose. Et ça reste toujours le fond de l'art. La deuxième, c'est ce petit dessin que j'avais trouvé dans cette revue, Ego, un dessin de Reiser, où on pose la question « Qu'est-ce que l'anarchie ?» Et on voit un petit bonhomme allongé dans l'herbe, tranquille, et qui répond ça. Je crois que ça, c'est la meilleure définition de l'anarchie pour moi. C'est quelqu'un qui ne s'emmerde pas, quelqu'un qui est tranquille. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis un anarchiste qui a toujours eu, quand même, et là je me démarque un peu de certains copains, et pas beaucoup je crois, parce que le véritable anarchiste est comme moi, qui a toujours eu la passion de l'ordre. Pour moi, l'ordre c'est quelque chose qui est très important. À n'importe quel niveau, que ce soit pour ranger mes chaussettes ou alors pour la vie avec les autres. Je vois du bordel, je vois du désordre. Donc, et ça, cette passion de l'ordre m'a amené à réfléchir. Pour obtenir l'ordre, si on réfléchit bien, il n'y a que deux moyens. Il y a soit le bâton, c'est-à-dire on impose aux autres un ordre, soit alors l'harmonie, c'est-à-dire moi-même, je fais attention de manière à ne pas gêner les autres et je me conduire d'une manière qui soit agréable à tout le monde, et surtout, et aussi à moi. Deuxième chose aussi, c'est l'horreur de l'injustice. Ça, j'ai toujours eu l'horreur de l'injustice, vous avez sans doute rendu compte quand je parlais du curé et de ma visite à Tchécoslovaquie. Les idées forces, bon, ben, évidemment, tout ce qui est exploitation ou asservissement me fait horreur. C'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter. Physiquement, je veux dire, c'est pas une démarche intellectuelle, c'est à partir du moment où je vois un type, si on restait un peu moins porté, un type qui dirige quelqu'un et que l'autre est obligé de suivre, c'est quelque chose que je supporte pas. À partir du moment où je vois aussi un patron qui exploite quelqu'un, c'est quelque chose qui me fait horreur, qui me plaît pas. Ma famille est une famille pas d'ouvriers, c'est déjà dans la campagne, mais enfin de pauvres gens. Je suis né du mauvais côté du bateau. Alors forcément, je ne lirai jamais le Figaro, c'est pas possible. Il y a aussi un déterminisme social qui fait que je me retrouve du côté de mes semblables, qui est le peuple, qui est les gens du peuple. Et ça, je crois que c'est très important. Bon, je suis aussi, comme chacun d'entre vous, pour une société fédérée qui pratique l'entraide et la coopération, tout ça, bon, c'est... je passe, là j'ai mis des choses sur l'Espagne 36, l'Ukraine en 17, j'aurais pu vous en parler. Enfin, bref, les haines tenaces, j'en ai quelques-unes. Hein. Les premiers, ce sont les communistes. Là, ceux qui me connaissent bien savent que je ne peux pas piffer les communistes, c'est malheureux, mais je crois que la meilleure définition des communistes a été donnée par Clotaire l'autre jour. Il a dit, ce sont des cons ou des salauds. Je crois que c'est exactement la vérité. Sur le même plan que les communistes, je ne peux pas piffer non plus les fascistes, qui sont pour moi à la fois des cons et des salauds. C'est la seule différence. Je déteste aussi les clergés. Vous connaissez peut-être cette photo des évêques espagnols à l'époque franquiste. Il y a un défilé au Colvent, il y a un défilé de troupes franquistes. Et puis sur la tribune d'honneur, il y a un certain nombre de dignitaires, de l'enfant de cause, si vous voulez bien. Et puis surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est cette image d'évêque en chasuble, avec les dentelles, tout ça, en train de faire le salut fasciste au passage des troupes franquistes. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fait horreur. De même quand Khomeini, parce que les clergés, il n'y a pas que les clergés catholiques, des clergés dans toutes les religions. Quand Khomeini est arrivé au pouvoir, tout le monde, je me souviens, criait « Ah, le chat d'Iran, c'est tordure, tout ça, enfin Khomeini arrive ». Moi, je disais, et je n'étais pas le seul, il y avait d'autres anarchistes qui disaient « Attention, c'était curé, ce type-là va faire pire que l'autre ». Et malheureusement, les faits n'ont pas démontré le contraire. J'aime pas non plus les partis. Je sais qu'à un moment, j'ai été découragé du militantisme anarchiste, ça ne donnait rien. Sur Aix, on s'était levé le cul et essayé de faire de la propagande. Il y avait eu des réélections. Joissin avait été réélu à cette époque-là au premier tour. Alors merde, hein, c'est à ce moment-là que j'ai tout laissé tomber. Et alors, quand même, je voulais continuer à faire quelque chose. Alors j'étais allé au parti qui me semblait le plus sympa, Parti Socialiste. Je suis allé à une succursale. Je suis rentré là-dedans. J'y suis resté 5 minutes, parce que j'ai vu là-dedans des gens qui étaient soit des vieilles crevures, qui ont toujours grenouillé autour des élus pour essayer d'avoir des passe-droits, soit alors des jeunes lourds dans l'ongle qui voulaient, grâce à la politique, parvenir à quelque chose. Alors je suis vite reparti, parce qu'il m'a pris, au sens physique, une nausée. J'ai eu véritablement envie de vomir. Alors, les partis, je ne les supporte pas. Alors, comment j'en suis venu à cette histoire de religion. Vous voyez que rien ne m'y prédisposait jusqu'à présent. En février 1976, j'étais donc à la fac d'histoire d'Aix, et il y avait eu un mouvement de grève à cette époque-là. Alors, comme je traînais dans les couloirs, tout ça, je m'emmerdais un peu aussi, c'était assez gonflant de toujours se chauffer avec les communistes et tout ça, sur des conneries, il y avait Trotsky, sur cette époque-là. Sur des choses qui n'en valaient pas la peine, j'avais pris le parti de mener une recherche généalogique. Alors, c'est-à-dire d'aller de voir d'où je sortais, finalement. J'ai pas été. Alors, à ce moment-là, eh bien, il est allé à la croisée des rues pour lire la Bible. À cette époque-là, la Bible était écrite en latin, et le vulgaire, c'est-à-dire le commun peuple, n'y avait pas d'accès direct. Valdez, lui, avait fait traduire en langue vulgaire, en langue populaire, si vous préférez, certains passages de la Bible, pas la Bible en entier, évidemment, mais les évangiles et certaines épîtres de Paul, et allait à la croisée des rues et se mettait à lire, montait sur un tonneau, il disait ça. Alors, les gens qui écoutaient, alors certains disaient, lui, il est devenu Joba, tout le monde le connaissait comme étant quelqu'un de riche, et puis du jour au lendemain, modeste villa, certains se moquaient de lui, mais d'autres écoutaient quand même ce que disait l'évangile, et trouver là-dedans des choses qu'il n'avait jamais entendues à l'église. Et c'est comme ça que petit à petit, Valdez a commencé à avoir des disciples. Alors évidemment, l'archevêque au début rigolait bien, mais après, quand il a commencé à voir que le mouvement prenait de plus en plus d'importance, l'archevêque a interdit à Valdez de prêcher. Lui, il s'est pas dégonflé, il est allé à Rome, il est allé demander directement la permission au pape. Et le pape a dit, bon, il a répondu... d'accord, à condition que l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque ou l'archevêque du lieu, soit d'accord. Il est retourné à Lyon, l'archevêque n'était toujours pas d'accord, lui a continué à prêcher, à annoncer la parole de Dieu, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au banc de l'église. Et ce Valdez a répondu une phrase qui quand même a résonné à mes oreilles, dans tout le monde qui l'attaquait, il a repris une phrase des actes des apôtres, il a dit il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puisque les hommes se liguaient contre lui, il a dit moi je suis ce que Dieu me dit et ça sera mieux. Alors, évidemment, je pense à ce mouvement qui ensuite a réussi à survivre à toutes les persécutions du Moyen-Âge, contrairement à toutes les autres hérésies qui ont disparu, exemple les cathares, tout le monde connaît bien les cathares. Les cathares ont disparu, les vaudois, eux, ont réussi à survivre parce qu'ils ont eu des zones d'implantation qui étaient, pour la partie qui m'intéresse, dans les montagnes alpines, du côté de Briançon. Et donc, chaque fois qu'il y avait une persécution, ils pouvaient se réfugier dans les sommets. Et c'est comme ça qu'ils ont franchi le Moyen-Âge. Et à la fin du Moyen-Âge, dans les années 1450-60, un certain nombre d'entre eux, qui venaient de ces vallées alpines, poussés à la fois par la nécessité, par la faim et aussi par les persécutions, sont venus s'installer dans le Luberon. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous allez dans le Luberon, vous verrez qu'il y a encore pas mal de temples protestants, puisque ces vaudois qui se sont établis dans le Luberon, comme tout le reste de la société vaudoise, c'était pas une église, c'était une communauté, une société vaudoise, a décidé en 1532 d'adhérer à la réforme protestante, et c'est comme ça qu'ils sont devenus protestants. Alors, évidemment, moi, les Vaudois, je ne savais pas grand-chose sur ça. Alors, j'ai planté le contexte, j'étais militant anarchiste, je m'intéressais à l'anarchie, tout ça, mais les Vaudois, je ne savais rien. Alors, j'ai acheté des bouquins là-dessus, parce que ça me touchait, et puis ça m'intéressait. Et puis, dans ces bouquins, chaque fois, il y avait des références à la Bible. Or, des Bibles, moi, je n'en avais pas. Alors je me suis empressé d'aller en piquer une dans une librairie catholique, une belle, chère, et j'ai commencé donc, à chaque fois que dans un bouquin qui me parlait des Vaudois, il y avait une référence biblique, j'ouvrais la Bible, je cherchais, je tournais les pages pendant 2 heures parce que pour trouver c'était pas facile, et puis finalement je lisais le verset en question, et il y avait un certain nombre, en lisant comme ça par bribes la Bible, je me disais qu'il y avait des choses qui me plaisaient, qui n'étaient pas du tout celles qu'on m'avait racontées quand j'étais minot, et que j'allais au catéchisme, et qui touchaient ma sensibilité. Je vous ai parlé de cette histoire, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est le verset que je mets en exergue chaque fois. Dans mes livres, il est toujours en première page. Il y a aussi le début de l'évangile de Jean, que tout le monde connaît. Ça, ce début de l'évangile de Jean frappe beaucoup, toujours ceux qui le lisent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Autrement dit, Dieu, c'est pas forcément cette espèce de grand-père terrible dont je parlais au début, assis sur son nuage, ça peut être une parole, ça peut être un message. Alors là, déjà, cette idée de barbu arrogant, volant en éclat, je me disais, tiens, alors, si c'est pas ça, Dieu, qu'est-ce que c'est ? Je commençais à me poser des questions, ce que je disais aussi en préambule. Et puis aussi, il y a la parabole du jeune homme riche. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la raconter. C'est cette parabole, d'ailleurs, qui a amené Valdès, l'initiateur du mouvement vaudois, à se convertir. Vous savez que Jésus était un but aux pharisiens. Les pharisiens, c'était en quelque sorte, si vous voulez, je vais faire un effort de trouver un vocabulaire qui soit compréhensible. Pour tous les mots que je vais utiliser des mots de tous les jours. Bon, les pharisiens, c'était en quelque sorte les bien-pensants de l'époque. Et alors, évidemment, Jésus était un peu gênant au milieu. Et les pharisiens cherchaient chaque fois à le coincer, en lui posant des questions, perverses. Et il y en a un jour qui lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire attendez, là, je me mélange un peu les pinceaux. Oui, non, mais c'était pas la parabole du jeune homme riche, c'est là que je m'aperçois un peu, je reviendrai tout à l'heure. Merci Armand, je reviendrai tout à l'heure. Je reviens à cette histoire de parabole du jeune homme riche, qui est importante, parce que, oui, je reviens à cette histoire-là de Valdès. Alors, c'est un jeune homme riche qui arrive un jour, qui voit Jésus et qui lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être parfait? Alors Jésus lui dit, applique les commandements que tout le monde connaît. Alors le jeune dit, c'est ce que j'ai fait. Ah, alors Jésus est content. Alors le jeune lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Alors Jésus lui répond, si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, et tu auras un trésor dans le ciel, et tes biens distribués aux pauvres. Alors là, c'est là que le jeune homme riche s'en va tout triste parce que, effectivement, la Bible dit qu'il avait de grands biens. Il n'a pas voulu s'en séparer. Et peu de mois après, toujours dans le même passage de l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Alors ça, j'avoue que moi, comme ma famille n'étant pas riche, les riches ne me plaisant pas trop, ce sont des petits versets comme ça, j'essaie de vous en sortir quelques-uns, il y en a eu d'autres aussi, mais je ne vais pas tous les dire. Ce sont ces petites phrases qui ont fait que je me suis dit, tiens, après tout, peut-être que ça vaudrait le coup d'en lire un peu plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a commencé, donc, vous voyez, en 76, ça, et ce n'est qu'à l'automne 79 que, finalement, j'ai décidé de faire le pas et que j'ai connu cette conversion. Alors, maintenant j'en arrive à la partie la plus difficile, qui est de dire ce que je crois. Bon, ce que je crois, ça va pas être simple, et je vous demande beaucoup d'indulgence. Je m'aide beaucoup de ce qu'a écrit Ellul, parce que il dit des choses finalement que je partage, que je pense. Alors, ce que je crois. Alors j'ai divisé ça tout simplement, la première partie c'est Dieu, deuxième Jésus-Christ, le troisième c'est l'Esprit Saint. Vous voyez que je fais dans l'originalité. Dieu, vas me combattre là. Ouais, ça, je sais pas. Dur à faire. Hein. Dieu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit à propos de Dieu habituellement? Qu'est-ce que moi je disais aussi à propos de Dieu habituellement? Il y a tout un argumentaire qui revient d'office. Alors, je vous le dis, il n'est peut-être pas exhaustif, mais alors, voilà. Alors, on dit que sur Terre, les hommes ont adoré, à des endroits différents, des dieux très divers. Alors, si tu es chrétien, c'est parce que tu es né en France et que tu habites en France. Tu serais né en Inde, tu serais hindou, ou aux États-Unis, tu aurais cru dans le grand Manitou. Bon, c'est première chose. Deuxième argument, si Dieu était bon, on les entend même dans les églises et dans les temples, si Dieu est bon, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a tout ce mal sur Terre? Ça semble imparable aussi. Troisième argument, si Dieu existe, pourquoi meurt-on? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a la mort avec tout son cortège de souffrance, à la fois pour celui qui crève et pour celui qui perd un être qu'ils aimaient bien, à qui ça fait beaucoup de peine? Autre argument aussi, on a dit les textes sacrés, finalement, ils ne sont pas si sacrés que ça, ça a été écrit par des hommes, et ce sont des opinions d'hommes sur Dieu. Bon, voilà, ça n'engage qu'eux. Ça n'a aucune valeur sacrée. Autre argument encore, les sciences, je sais si aujourd'hui elles ont beaucoup avancé, les sciences ne trouvent, on a beau inventer des appareils qui fouillent l'infiniment petit ou l'infiniment grand, Voyager 2 n'a pas trouvé la moindre trace de l'existence de Dieu. On a beau fouiller l'univers, le monde qui nous environne, on ne trouve pas de trace de l'existence de Dieu. Autre argument encore, les miracles, c'est des conneries parce que la nature a des lois. Et ces lois ne les transgressent pas. Quand on est mort, on ne revient pas à la vie. On est mort. Malheureusement, quand on a une jambe coupée, la jambe ne repousse pas. Bon, vous connaissez comme moi toutes les blagues bien rigolotes au sujet de Lourdes. Autre argument encore, le dieu des religions, c'est vraiment incompatible avec notre raison, notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire les mots absolus pour nous, vraiment? Qu'est-ce que c'est l'absolu? L'éternité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la toute-puissance? Qu'est-ce que ça signifie? Pour nous, ça ne signifie strictement rien. Pour moi, c'est des mots, c'est mots, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis, alors, il y a un truc qui m'a horripilé aussi quand je n'étais pas encore chrétien. C'est, quand je m'adressais à un chrétien, ça m'est arrivé. Je posais des questions, j'essayais de les coincer, c'est pour ça que j'essayais sans doute de me faire tout à l'heure. Bon, j'essaie de les coincer, de dire, voilà, et ça, et là, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors, l'autre, il y avait deux types de réponses. Soit, il prenait un air très docte pour me dire, ah, ça, c'est un mystère. Alors, avec le mystère, il fallait que je m'explique tout. Bon, moi, pour moi, c'est une échappatoire, ça. Ou alors, le style, oh, mais moi, j'ai la foi, toi, tu l'as pas, donc tu comprends rien. Ça aussi, c'était quelque chose que je n'acceptais pas. Autre argument aussi, on l'a vu encore récemment avec l'attentat qui a coûté la vie à 11 personnes en Angleterre. Les religions ont toujours provoqué des guerres cruelles. Des guerres de religion. Bon, il y a eu la répression aussi, l'inquisition. Les minorités religieuses qui sont en train de morfler au Proche-Orient. Tout ça, c'est à cause de la religion. La religion, si on fait le bilan, et c'est un argument qu'on peut dire aussi, a toujours été un facteur de division, de haine et d'incompréhension. On regarde finalement le déroulement de l'histoire, la religion a toujours mis la merde entre les hommes. C'est quand même paradoxal pour des gens qui parlent toujours de concorde et de miséricorde et de je ne sais pas quoi. Vous avez remarqué comme moi qu'un homme religieux, beaucoup d'hommes religieux, ne peuvent pas supporter les hommes d'autres religions. Regardez ce qui se passe dans les pays d'islam en ce moment. Tous ceux qui ont le malheur de ne pas être musulmans morflent. En ce moment, croupissent en prison des Égyptiens qui étaient donc musulmans à l'origine, qui ont été convertis au baptisme, qui est une église protestante. Et qui, bon, ils n'avaient pas le droit de se convertir, alors on les a mis en prison, et puis après c'est tout. Et puis, bon, quand je dis religion, c'est pas simplement les histoires où il y a le bon Dieu. Ça peut être aussi le communisme peut être une religion. Pour les communistes, la Mecque, c'est Moscou, la Bible, c'est le capital, etc., etc. Et puis pour d'autres, on pourrait dire, pour d'autres familles de pensée. Il y a aussi un argument auquel j'avais pensé et que j'ai entendu plusieurs fois, c'est qui est justement en liaison avec ce que je disais aussi en aparté tout à l'heure sur les découvertes psychanalytiques. Si on analyse finalement l'homme occidental, qu'est-ce qu'il est ? Ben, il est culpabilisé par le péché. On lui dit, tu fais des fautes, alors il dit, oh, merde, c'est vrai, je suis en faute. Imaginez par exemple tout ce qui tourne autour du mariage, du péché de chair, tiens, prenons celui-là. Combien ça culpabilise les gens, même aujourd'hui, alors que nous sommes dans une situation soi-disant très libérée. L'homme occidental est terrifié par l'idée du jugement de Dieu, hein, jusqu'au dernier moment, il ne sait pas s'il va aller aux poubelles de l'histoire, comme disent les communistes, ou s'il va aller au paradis. Enfin, bon, tout ça, je pense qu'il doit en avoir encore d'autres. Mais vous voyez, j'ai fait toute une liste d'arguments qui sont des arguments habituels qu'on dit pour rejeter finalement l'existence, l'action de Dieu. Que disent les anarchistes à propos de Dieu? Alors là ça, j'ai pas eu de mal à trouver un certain nombre de phrases bien sonnées, notamment celle de Bakounine dans l'Empire gnouto-germanique. Mais je cite ça, je me marre parce que Bakounine, en fait, je suis un anarchiste qui a pas lu beaucoup de livres. J'ai lu des citations par-ci par-là, mais je suis pas un rat de bibliothèque. L'anarchiste, je le suis plus par les tripes que par une démarche intellectuelle. Alors là, j'ai piqué ce truc-là. Alors Bakounine dit, si Dieu existait réellement, il faudrait le faire disparaître. Alors pourquoi ? Quelle est l'image que Bakounine donne de Dieu ? Quelle est l'image qu'il a de Dieu ? Mais Dieu, c'est le néant absolu. Pour beaucoup d'anarchistes aussi, c'est le pouvoir absolu aussi. Moi, je sais que ça, j'étais très sensible à ça. Toute autorité sur terre tient son pouvoir de Dieu. Donc Dieu, c'est le pouvoir absolu. Dieu, c'est quelqu'un qui écrase l'homme. Il s'en sert comme d'un pion. Toi, tu me plais, ça va, toi, tu me plais pas, allez, je te fais mourir, je te fais souffrir. Ou alors ce pays, c'est pays de camp, allez, j'envoie la guerre, j'envoie la peste, ou un tremblement de terre. Je veux dire, l'homme, face à ce Dieu, est complètement abêti. À force de se nier, à force de se soumettre, il est obligé, et ça pendant des siècles ça a été vrai, il est obligé, maintenant c'est plus pernicieux mais ça reste vrai aussi, il est obligé de se soumettre aux autorités, soi-disant mises en place par Dieu, qui se disent mises en place par Dieu. Alors, évidemment, Bakounine conclut, Dieu est, donc l'homme est esclave. Deuxième versant, l'homme est intelligent, juste et libre, donc Dieu n'existe pas. Moi, je dis que je suis entièrement d'accord avec Bakounine. Si Dieu est cette merde, il est urgent d'en proclamer sa mort, ça c'est sûr. Si Dieu est cette espèce de tyran abominable, archétype de toute autorité, de toute hiérarchie, de toute servitude et de toute exploitation, alors là, Dieu, effectivement, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Seulement ce Dieu que je viens de décrire, qui est celui contre lequel combattait Bakounine, contre lequel moi-même j'ai combattu, contre lequel beaucoup d'anarchistes ont combattu et combattent encore. Ce Dieu, c'est le Dieu des philosophes et des théologiens. Il faut bien se le mettre dans l'idée. Alors c'est là que ça... Je vous demande de faire un effort d'écoute. Ce Dieu des philosophes, pourquoi ? Parce qu'à force de spéculer sur la nature divine, vous connaissez les philosophes comme moi, encore que maintenant ils ont tendance à se faire moins entendre que dans le passé. Mais à force de spéculer sur la nature divine, sur la relation entre Dieu et le monde, sur Dieu, est-ce qu'il est à l'origine ou pas, enfin, sur un tas de questions, à chercher, passez-moi l'expression, le truc du cul derrière l'oreille, on aboutit finalement à une image de Dieu qui est parfaitement intellectuelle. C'est une construction de l'esprit. Une construction de l'esprit qui dérive essentiellement de la philosophie grecque. Je disais aussi que c'est un dieu des théologiens. Oui, c'est un dieu des théologiens parce que les théologiens, tous, ont construit des systèmes dans lesquels, bien sûr, Dieu occupait la place d'honneur. Ces théologiens ont construit des systèmes qui expliquaient tout. Tout était expliqué par le système des théologiens. Alors évidemment, le dieu des philosophes, cette image de Dieu, cette image intellectuelle, le mouvement des rationalistes qui a commencé à l'époque des Lumières au XVIIIe siècle, qui s'est poursuivi pendant tout le XIXe siècle, n'a eu aucun mal à faire voler cette image idiote de dieu spéculatif. De même que le dieu des théologiens, avec tout ce système qui était bien beau là, les scientifiques n'ont eu aucune peine aussi à tout démonter, à tout faire voler en éclats. Ça avait commencé déjà avec Galilée, ça continue après. Et maintenant, que reste-t-il du dieu des philosophes et des théologiens? Rien. Alors, vous me direz, ben, c'est bien beau ça, mais alors quel est le dieu de la Bible? Quel est le dieu de Jésus-Christ? Alors c'est là que les choses se corsent. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais je crois que je n'y arriverai pas. Enfin, bon, essayons. Je vais partir d'une première évidence. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi pour l'admettre. C'est que si Dieu est Dieu, est réellement Dieu, il ne peut pas, évidemment, être totalement connu par moi, par nous. Sinon, il ne serait plus Dieu. Si Dieu est Dieu, aucune formule humaine ne peut dire ce qu'il est. Par définition, Dieu ne se laisse pas cerner par une définition. Dieu ne peut pas être connu par quelqu'un. Pas connaître des bibles, des bribes, c'est-à-dire des bibles, des bribes, lapsus révélateur, des bribes. On peut en connaître des aspects, mais on ne peut pas connaître Dieu en réalité. Ça, ça me paraît être une première évidence. La deuxième, c'est que cette évidence est confirmée par... J'ai trouvé en relisant, je lis la Bible de temps en temps, enfin, tous les jours, il faut dire ce qui est. Je m'en expliquerai plus tard. Et j'ai trouvé ces jours derniers une définition de la foi. Vous savez, ce mot, hein, aussi, ça fait partie de mots éculés qu'il y a. C'est pas trop à quoi ça peut bien correspondre. Voilà, dans l'Épître aux Hébreux, je commence à déconner parce que... Alors, Paul écrit, « La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, vous êtes servi. Mais ça corrobore bien l'idée que Dieu ne peut pas être complètement cerné par l'homme. D'autant plus que Dieu est un Dieu qui se cache. C'est pas un Dieu qui se révèle, qui arrive là avec des cohortes d'anges, de trompettes, tout ça. C'est un Dieu qui se cache. Alors comment je le connais? Comment je peux vous dire je connais Dieu? Effectivement, je le connais, pas en totalité, sinon je pourrais vous l'expliquer. La connaissance que j'ai de Dieu résulte de la relation que j'ai établie avec lui. Alors, cette relation, qu'est-ce que c'est? Mais cette relation résulte d'une décision que j'ai prise, moi. C'est pas un coup de tête, c'est pas un élan mystique, non. Vous avez vu que de 76 à 79, 3 ans se sont écoulés, évidemment, il y a eu le pour et le contre, etc. Eh bien, j'ai pris, au début de l'automne 79, la décision d'établir une relation avec Dieu. Et ça ne veut pas dire que, encore une fois, c'est la totalité de mon moi qui a décidé ça. Et dans ce moi, j'ai inclus l'intelligence. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu une formation scientifique. Bon, évidemment... je tiens bien à dire que ce n'est pas sur un coup de tête ou un élan mystique. Non, c'est moi qui ai pris cette décision, à connaissance parfaite de cause. Alors, cette décision a provoqué... Et c'est un esprit. Hein? Et c'est un esprit. J'espère. Et cette décision a provoqué dans les jours qui a suivi, évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de cette conversion. Qui, je le répète, est une expérience très forte pour celui qui la vit. Alors, cette relation que j'ai décidé d'établir avec Dieu, eh bien, m'amène à écouter sa parole. Alors, sa parole, c'est que je l'écoute, évidemment, Dieu, je ne suis pas Jeanne d'Arc, ne me parle pas comme ça. La parole de Dieu, je la découvre dans la Bible. Je lis la Bible et je la médite. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, je la lis tous les jours. Je ne dis pas que je lis 50 chapitres, j'en lis un par jour. Quelquefois plus, ça dépend, il n'y a aucune règle. En tout cas, ce n'est pas un livre, comme je le dis dès maintenant, ce n'est pas un livre qu'on lit comme un roman du début de la Genèse jusqu'à... au livre de l'Apocalypse. Alors, la parole de Dieu, je l'écoute dans la Bible. Et, alors, c'est là encore où il y a une difficulté, c'est que si cette parole me parle à moi, Dieu, pour moi, reste quelqu'un qui est indicible. Alors, comment dire ? Croyez à ma bonne foi. Je veux dire, j'écoute la parole de Dieu, mais il m'est très difficile de parler de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, quand les chrétiens, d'une manière malhabile, disaient oh, « moi j'ai la foi, toi tu l'as pas », l'air de dire oh, « moi je suis intelligent, toi tu es encore ». Non, moi je dis pas ça. Moi je dis « Dieu me parle à travers sa parole, mais moi je ne suis pas capable ». Pendant dix années, je n'ai pas été capable, même aux gens qui me sont très chers, vous demandez à Françoise, je lui parle pratiquement jamais de Dieu. Faut vraiment, ça me gêne. Je suis gêné. C'est pour ça que j'ai essayé d'éviter de me livrer à cet exercice là aujourd'hui. Bon, mais il fallait le faire. Alors, d'autant plus que Dieu est présent. Il est présent, mais il est caché. Il est caché, et il est d'autant plus caché et silencieux qu'on vit dans un monde d'opulence, où finalement, hein, on ne se voit pas de la fin, on n'a pas trop de problèmes, le confort matériel est assuré, et finalement, dans nos pays riches, on n'a pas trop de problèmes. Alors là, dans ce contexte-là, Dieu reste silencieux. Dieu est encore plus caché. Il ne se livre pas. Il y a cette diatribe contre les riches qu'on retrouve tout au long de l'Évangile. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Dieu n'aime pas les riches. À travers ce que dit Jésus, c'est net. Et nous qui vivons dans un pays riche, bah, évidemment, Dieu se tait. Dieu reste caché. Évidemment, nous, est-ce que... puis nous, on s'en fout. On a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on a à s'encombrer de l'idée de Dieu ce n'est pas notre problème. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, je l'ai faite. D'autres l'ont faite aussi. C'est que Dieu ne se révèle que quand on a rabattu un peu notre superbe. Lorsqu'on se retrouve dans le dénuement. Vous avez tous connu, comme moi, des moments où ça n'allait pas du tout. Hein, où on était excessivement malheureux. Où on souffrait. Hein, où on était fragile. Là, je vous parle, vous m'écoutez, aussi bien les uns que les autres, je suppose, on est tous bien contents de nous et tout, on n'est pas fragile. Mais il existe des moments où on est fragile. Et c'est justement à ces moments difficiles de notre vie, où alors là, c'est à ce moment-là que Dieu se met à être beaucoup moins silencieux, se met à nous parler. Alors, il y a eu un tas de récits qui ont été... qui ont été écrits là-dessus, témoignages. Par exemple, bon, le dernier en date, c'était que j'ai retenu, parce que je me suis dit, tiens, c'est celui de Kaufmann, bon, journaliste, qui n'a pas l'air con comme un mec. Bon, vous savez, la nature qui est arrivée, il est resté emprisonné pendant 3 ans. Mais quand le seul livre qu'il avait, qu'il a conservé, c'était la Bible. Et pendant sa détention, il a morflé un maximum, il était dans le dénuement le plus complet, eh bien Jean-Paul Kaufmann s'est converti. Il a connu la conversion. Évidemment, s'il était resté journaliste, au quotidien du jeudi, ou comment on appelle l'événement du jeudi. Alors là, bon, il y a là, c'est bien sûr, il n'y en a pas eu d'autre. Et alors, je vous reporte aussi au passage des béatitudes. Où, alors là, c'était un morceau que j'aimais pas, mais en fait, que j'ai compris la lumière de ça. Dieu s'adresse aux gens qui souffrent, aux gens qui sont dans la peine, aux gens qui morfent, quoi. Quand il dit heureux ceux qui souffrent, ceux qui sont pauvres, qui sont malheureux, parce que c'est eux, finalement, qui appartiennent au royaume de Dieu. Voilà. Alors, il se révèle aussi, vous voyez. Il n'y a pas seulement dans les moments de souffrance et de fragilité, on perd ce que je disais tout à l'heure, on perd de sa superbe, on perd notre orgueil, notre prétention intellectuelle. Alors, en ce moment-là, on n'est plus réceptif, on n'est plus disponible. Et si on fait cet effort de quitter un peu nos certitudes là qui nous rassurent, parce que moi, comme les copains, je veux dire, j'ai des certitudes, je suis content d'avoir mes certitudes et tout. En fait, je sais qu'elles reposent sur du vent, mais et que si on creuse un peu, je peux me remettre en cause. Il faut perdre, je crois, pour écouter Dieu, il faut perdre un peu cet orgueil intellectuel. Il y a des passages où Jésus dit, parle des petits enfants, il dit, mais voilà, si vous étiez comme eux, peut-être que vous parviendrez à comprendre ce que je dis. Parce que les petits enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Eux, ils n'ont aucune prétention intellectuelle. Ils prennent les choses comme elles sont. Ils n'arrivent pas à barder de certitudes, découvrent le monde. Nous, on ne découvre plus rien, mais c'est tout. Chacun d'entre nous, je veux dire, moi le premier. Hein. Alors, cette relation avec Dieu, je vous ai dit, j'ai essayé d'établir une relation avec Dieu. C'est quoi cette relation? Finalement, on sera droit de se poser la question. Vous savez que, ça on le retrouve, hein, même ceux qui ne lisent pas la Bible, il suffit d'écouter la télé ou de lire des bouquins, la phrase est célèbre, l'homme est à l'image de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image. Bon. Ça veut dire, moi quand j'étais petit, je pensais qu'il avait la même tronche que nous. Et tout. En fait, je pense que c'est pas ça. Peut-être, mais j'en sais rien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je crois que si l'homme est à l'image de Dieu, c'est que l'homme est capable d'amour. Attention à ce terme-là. Amour, c'est quelque chose, c'est un mot qui a été utilisé à toutes les sauces. Tout à l'heure, je lirai un passage là, des évangiles, enfin des épîtres, de l'épître aux Corinthiens, où on donne une définition de l'amour qui est parfaite. Je vous la lirai, vous verrez ce que je crois être l'amour. L'homme est capable d'amour. Essayez d'oublier tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a mis autour de ce mot amour, pour simplement ne garder que l'élan confiant qu'on a envers quelqu'un. Même quelque chose aussi. Mais je préfère envers quelqu'un. Parce que l'amour, c'est destiné à quelque chose qui vit.